إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, avec le Sharh de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan. Et c'est يعني, un Sharh de l'introduction qui s'intitule At-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc on est arrivé à la page 116 aujourd'hui dans le Sharh. Et on a terminé, donc au dernier cours on a mentionné les preuves, des preuves du Coran au sujet de Al-Ulu ou Al-Istiwa, au sujet de le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est Al-Ali, et l'attribut de Al-Ulu, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé, qu'il est élevé et haut, qu'il est le très haut, et également yani, l'attribut de Al-Istiwa, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. On a mentionné plusieurs preuves dans le Coran à ce sujet-là. Parmi les preuves qu'on a mentionnées, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إني متوفيك ورافعك إلي أأمنتم من في السماء بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. Puis on a mentionné d'autres versets comme يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Et les versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, sa révélation, elle descend, et qu'il l'a fait descendre. تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك. Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'autres preuves comme ça aussi. Et maintenant qu'on a mentionné des preuves du Coran à ce sujet, on va mentionner des preuves de la Sunna. Cheikh al-Islam, il rapporte une série de hadiths sur la question. Et on sait que ce sont des hadiths qui sont yani, authentiques et qui sont clairs sur la question. Et il ne fait que citer quelques preuves, sinon il y en a beaucoup plus que ça. Donc le Cheikh, il dit... il dit... وفي الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية إذ وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. C'est-à-dire qu'il y a dans les hadiths authentiques et dans les hadiths qui sont sahih et qui sont hasan, il y a yani quelque chose d'innombrable, yani des hadiths innombrables à ce sujet-là. On peut même pas les calculer tellement il y en a par rapport au fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ulu wa l'Istiwa, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc, il y a tellement de hadiths authentiques sur ce sujet-là, qu'on ne peut pas les compter. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Il dit « Lamma dhakara al-adilla min al-Qur'an » بين رحمه الله أن في السنة كذلك أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بها على صفات الله سبحانه وتعالى لأن الحديث الحسن من قسم الصحيح لأن السنة وحي من الله عز وجل وليست من اتداع الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترعها أو قالها من عنده وإنما هي وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ووصف ربه بالعلو والاستواء كما يأتي. الشيخ يلزي lorsque يعني الشيخ Il a terminé de mentionner les preuves du Coran. Il a maintenant clarifié, rahimahullah, Cheikh al-Islam, qu'il y a également des preuves authentiques dans la Sunna, des hadiths authentiques du messager sallallahu alayhi wa sallam sur cette question, sur lesquelles on se base comme preuve pour affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on dit les hadiths sahih, on parle des hadiths qui sont hasan et des hadiths qui sont sahih et hasan. Parce que les hadiths hasan font partie de la catégorie de qu'est-ce qui est sahih. Et il dit que, yani également parce que la sunna est une révélation d'Allah. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça ne fait pas partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a innové. C'est-à-dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui de lui-même qui a inventé ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui-même. Il ne le dit pas de lui-même. Mais c'est une révélation qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mentionne, qu'il explique. Et il mentionne le Cheikh Al-Fawzan, le verset 3 et 4 dans Surat Al-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est-à-dire, ce qui signifie, il ne parle pas selon la passion, c'est uniquement une révélation qui lui est révélée. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans des hadiths, de nombreux hadiths, la description de son Seigneur en disant de lui qu'il possède les attributs de Al-Ulu wal-Istiwa, comme on va le voir dans les preuves qui vont suivre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths authentiques comme étant yani élevé et comme étant yani au-dessus de son trône. Donc, on va mentionner ces hadiths-là plus tard. Donc, le Cheikh dit wa as-sunnah an-nabawiyya hiya al-wahy al-thani ba'd al-Qur'an. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا إلى غير ذلك فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم وهي تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبينه. Donc le Cheikh il explique que la Sunna c'est la deuxième révélation après le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et ce que le messager vous donne prenez-le et ce qu'il vous interdit abstenez-vous-en. C'est le verset 7 dans Surat Al-Hashr. Et il dit également dans le verset 80 dans Surat Al-Nisa, celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme un gardien. Et il mentionne le verset 54 dans Surat Al-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Wa in tuti'uhu tahtadu. ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là. Donc, le cheikh, il explique que la sunna, elle est une preuve. La sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est une preuve tranchante. Et c'est une révélation, et c'est la deuxième révélation après le Coran. Et elle explique le Coran, et elle clarifie le Coran. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُبَيِّنُهُ Et elle prouve ce qui est dans le Coran, et elle clarifie le Coran, et elle l'explique. فَهِيَ بَيَانٌ مِنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقُرْآنِ Donc c'est une explication de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour le Coran. لأن الله وكل إلى نبيه بيان هذا القرآن وأنزلنا إليه لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a chargé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer ce Coran. Et il mentionne le verset 44 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux gens ce qui a été révélé pour eux. Pour que tu clarifies aux gens ce qui a été révélé pour eux. Et donc, c'est la preuve que la sunna explique le Coran. Et que une des responsabilités du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'expliquer comment s'applique le Coran. Et comment l'appliquer dans la pratique. وقد بينا صلى الله عليه وسلم غاية البيان وعلى رأس ذلك العقيدة فإنه صلى الله عليه وسلم بينها غاية البيان ووضحها غاية الإيضاح وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a expliqué, il a expliqué de la manière la plus complète, la plus parfaite. Et à la tête de ce qu'il a expliqué, c'est bien entendu la aqida. À la tête de tout ce qu'il a expliqué par rapport à la religion, il a expliqué la aqida. Et il l'a expliqué de la façon la plus complète et la plus parfaite. Et il l'a clarifié et l'a rendu clair à la limite de la clarté. Et il a laissé sa umba sur une voie qui est éclatante et blanche et claire, sa nuit et comme son jour. Et il mentionne ensuite la suite de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il donne maintenant des exemples de preuves au sujet des attributs d'Allah, qu'il est au-dessus de sa création et qu'il est élevé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne comme premier exemple ومثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. Donc ça c'est un exemple de preuve, et c'est une preuve très très solide et très forte pour établir que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc il mentionne, il dit ici comme par exemple l'histoire de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est élevé au-dessus des sept cieux durant la nuit, lorsqu'il a fait le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, et de Bayt al-Maqdis qu'il est monté jusqu'au dernier des cieux. Donc ça c'est une preuve. Le cheikh al-Fawzan il explique ça. Il dit, donc c'est l'histoire de l'Isra ou al-Mi'raj, elle est rapportée dans plusieurs hadiths authentiques, et on en retrouve plusieurs narrations dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, selon plusieurs sahabi. Et Cheikh al-Fawzan il explique ça en disant, il dit وَمِنْ ذَلِكَ قِصَّةُ الْمِعْرَاجِ وَالْمِعْرَاجُ مِفْعَالُ مأخوذ من العروج وهو الصعود إلى أعلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء مع جبريل عليه السلام وجاوز السبع اتباق وانتهى إلى مكان خاطب فيه الرب سبحانه وتعالى وكلمه ربه. Donc le cheikh il dit que dans l'histoire de Al-Mi'raj. Et Al-Mi'raj, dans la langue arabe, c'est sous la forme de Mif'al. Et ça vient de Al-Uruj. C'est pris du mot Al-Uruj. Donc, ça veut dire le fait de s'élever ou l'ascension. Et c'est le fait de monter vers qu'est-ce qui est en haut. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé. Hein? On l'a amené de Bayt al-Maqdis jusqu'aux cieux. Il est monté avec Jibril alayhi salam. Et il a dépassé les sept cieux, les sept cieux superposés. Et il a terminé vers un endroit où il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Et il dit وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النَّجْمِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النَّجْمِ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Donc c'est les versets 12 à 18 dans Surat Al-Mi'raj. C'est là qu'on mentionne les exemples de cet événement-là qui a lieu durant l'Isra ou Al-Mi'raj. Le verset 12 à 18. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de As-Sidrat al-Muntaha. As-Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre au septième cieux. Hein? Et c'est un arbre que Jibril alayhi salam ne pouvait pas dépasser. Hein? C'est un arbre, lorsque le prophète sallallahu alayhi salam est arrivé à cet endroit-là avec Jibril, Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avance parce que moi à partir d'ici je ne peux plus avancer. Hein? Et donc ça c'est As-Sidra al-Muntaha, Sidrat al-Muntaha. Et donc il dit, près de As-Sidra al-Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa, hein, un des jardins du paradis. Au moment où l'arbre était ouvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu, certes, des grandes merveilles de son Seigneur. Donc ça parle de يعني المعراج. Donc le cheikh il dit فالمعراج ذكر في أول النجم أما الإسراء فهو نقله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى فهذا مذكور في أول سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Donc le cheikh il explique, il dit que Al-Mi'raj, donc ça a été mentionné au début de Surat Al-Najm, en ce qui concerne l'Isra, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été déplacé de Masjid al-Haram à la Mecque durant la nuit jusqu'à Masjid al-Aqsa. Et ça c'est mentionné au début de Surat Al-Isra. Au début de Surat Al-Isra, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit a fait voyager son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles, c'est lui vraiment qui est l'audient et le voyant. » Donc, ça c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Et le cheikh il dit والشاهد من هذه القصة ذكر العروج لأن العروج لا يمكن إلا إلى أعلى فدل على أن الله في العلو أن الله عز وجل في العلو وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إليه. Donc qu'est-ce qu'on veut établir par rapport à qu'est-ce qu'on vient de mentionner? par rapport à Al-Mi'raj, c'est que dans cette histoire, on voit clairement que il y a la mention de Al-Uruj, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé et qu'il a monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, on ne peut monter que vers le haut. Hein? Donc, on n'a pas besoin de dire monter en haut, puisque automatiquement qu'on dit monter, ça implique automatiquement que c'est vers le haut. Et donc, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les hauteurs, qu'il est au-dessus, et qu'il est le très haut, qu'il est au-dessus de sa création, et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est monté vers lui. Hein? Donc, ça c'est un argument très solide qui prouve cet élément-là et qui réfute les Ahbash, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiyya et les Mu'tazila qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Ensuite, le Cheikh, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. نعم. Ça c'est un autre argument qu'on peut ramener, qui est la preuve dans les hadiths qui sont mentionnés que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, les anges descendent vers nous. Les anges viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire viennent des hauteurs et descendent vers nous. Hein, elles partent d'auprès d'Allah pour descendre vers nous. Et elles partent de la terre pour remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala, les anges. Donc, ça c'est une preuve. Le Cheikh il dit: نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم إلى آخره. Donc, le Cheikh il fait mention du fait qu'il y a des anges qui se relaient. Il y a des groupes d'anges qui se font des relais. Les anges du jour et les anges de la nuit. Donc, il y a des anges qui parmi vous passe la nuit et enregistre ce que vous faites durant la nuit. Et lorsque le jour arrive, ils remontent vers leur Seigneur pour leur demander, alors qu'il est mieux informé qu'eux. Hein, et il y a les anges du jour qui viennent, qui descendent, pour enregistrer ce que les hommes vont faire durant le jour. Et ils se relaient comme ça tous les jours. Les anges du jour et les anges de la nuit. Donc c'est la preuve que ils descendent vers la terre et ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une autre preuve. Et le hadith en question, il fait référence au hadith apporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq wa yaltamisuna ahla dhikri fa idha wajadu qawman yadhkuruna Allah tanadaw halummu إلى حاجتكم قال يحفظونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. وفي رواية مسلم: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض. الحديث وفيه دليل على نزول الملائكة وصعودها. Donc ça c'est un hadith qui est apporté, comme on l'a dit, par Al-Bukhari et Muslim sur Abi Huraira, que Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui se promènent et ils cherchent dans les chemins les endroits où les gens se réunissent pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils trouvent des gens qui sont réunis pour se rappeler d'Allah, ils s'appellent tous les uns les autres et ils disent: venez vers ce que vous cherchez, vers ce que vous avez cherché. Et il les préserve avec leurs ailes. Il les préserve avec leurs ailes jusqu'au dernier des cieux. Et ensuite, ils remontent vers leur Seigneur et leur Seigneur leur demande, alors qu'il est plus savant d'eux, il est plus savant qu'eux, au sujet d'eux, à leur sujet, que disent mes serviteurs? Et dans la narration de l'imam Muslim, lorsqu'ils se séparent, c'est-à-dire lorsqu'ils quittent, ils remontent vers le ciel et leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, leur demande, alors qu'il est plus savant que eux à ce sujet, et il leur demande d'où venez-vous? Ils disent, les anges disent, nous venons de chez quelques-uns de tes serviteurs. Yani sur la terre, nous venons de chez certains de tes serviteurs sur la terre. Et il y a dans ce hadith la preuve que les anges montent et descendent. Ils montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et descendent vers la terre. Donc ça c'est un autre élément qui supporte l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est au-dessus de sa création. En ce qui concerne donc ce point-là, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il explique à ce sujet, il dit من السنة الدالة على العلو الأحاديث التي فيها ذكر نزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودهم إليه مثل الملائكة الحفظة الذين ينزلون كل يوم ومنهم من ينزل الفجر ويستمر معنا إلى صلاة العصر ومنهم من ينزل العصر ويستمر معنا إلى الفجر ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون الأعمال يحصون أعمال بني آدم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc le cheikh il explique que parmi les éléments de la sunna qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, il y a les hadiths dans lesquels il y a la mention de la descente des anges de chez Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala comme les anges qui écrivent nos œuvres. Ils descendent chaque jour, comme je disais tout à l'heure. Parmi eux, il y en a qui descendent à la prière de Fajr. Et ils continuent avec nous jusqu'à la salat al-Asr. Et il y en a donc qui, à partir de la prière de Asr, remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala et restent avec nous jusqu'à la prière de Fajr. Et ils se font le relais. Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient de cette façon. Et ils calculent, ils écrivent, ils prennent en note, ils préservent nos œuvres. Et il mentionne le verset 10 à 12 dans Surat Al-Infitar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il y a sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. » Qui savent ce que vous faites. Et ensuite, donc la suite de ce que dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah comme preuve également, il dit « Wa fi sahih fi hadith al-khawarij » ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. Donc le cheikh il mentionne ici un autre argument, une autre preuve, un autre élément de preuve. Le cheikh l'islam il dit, et dans le hadith authentique au sujet des khawarij, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ne vas-tu pas me faire confiance alors que je suis celui à qui fait confiance celui qui est dans les cieux. Je suis celui à qui Allah fait confiance, celui qui est dans les cieux. Donc il dit que les informations me viennent du ciel le matin et le soir. Donc ça c'est rapporté dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim. Ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-sama, ne vas-tu pas me faire confiance alors que Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Allah, me fait confiance. Je suis Amin pour lui. Amin, ça veut dire je suis fiable, je suis honnête. Allah, il me considère et il me prend comme quelqu'un de fiable et d'honnête dans la transmission de la révélation. Donc, ne vas-tu pas, toi, me faire confiance pour les questions de butin ou distribution des biens ou des choses comme ça dans les affaires de la dunya. Donc, ça, c'est la réponse à Dhul Khuwaysira. Donc, le cheikh, il fait une note ici, le cheikh Al-Fawzan, il fait une note pour expliquer qui sont les Khawarij. Et ça, c'est important et c'est très intéressant et très important de comprendre et de connaître qui sont les Khawarij, parce qu'à notre époque, on est dans une époque où Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés par les gens de cette secte. Et à notre époque, c'est la fitna du siècle. Allahu al-musta'an. Donc c'est bien de les connaître et de connaître leurs caractéristiques et pouvoir justement, en connaissant ces caractéristiques-là, nous en préserver et nous en protéger et savoir comment les éviter, comment les réfuter. Donc, le cheikh il commence, il dit « Al-Khawarij ta'ifatun kharajat ala al-muslimin » ومذهبهم أنهم لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماءهم وأموالهم. Donc, le cheikh il dit que les Khawarij sont un groupe qui sont sortis contre les musulmans, c'est-à-dire qui se sont révoltés et rebellés contre les musulmans, et leur voix et leur secte, c'est qu'ils ne considèrent pas l'obéissance, l'écoute et l'obéissance du dirigeant. Ils ne considèrent pas qu'on doit écouter et obéir au dirigeant. Ils déclarent mécréants, ils déclarent kuffar les musulmans pour des grands péchés, qui sont moindres que le shirk. Et ils rendent le sang et les biens des musulmans halal. Ils rendent le sang et les biens des musulmans licites pour eux. Ensuite, il dit وهي طائفة قبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم أينما وجدت وقد خرجت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل قال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. Donc le cheikh il dit que c'est un groupe qui est très laid, c'est un groupe laid, et le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de le combattre. Peu importe où on les trouvait, il nous a ordonné de les combattre. Et ce groupe, on peut dire que les graines, ou les premières manifestations de ce groupe sont apparues à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de faire la distribution des butins de guerre, les butins. Donc il était en train de donner à chaque personne sa part du butin. Et cet homme-là est arrivé et il a dit « Oh Mohammed, sois juste, parce que tu n'as pas été juste. » Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur à toi, et si je ne suis pas juste, qui d'autre que moi sera juste ?» Et il lui a dit ensuite, ne vas-tu pas me faire confiance alors que celui qui est aux cieux m'a fait confiance. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Et le cheikh il explique, il dit hey, Allah subhanahu wa ta'ala ittamanahu ala al-wahyi fa kayfa la ta'manuhu kayfa la ta'manuhu al-khalq ala qasm al-ghanaim ou qism al-ghanaim وهو الأمين أمنه الله على وحيه وأمنه على رسالته فهو الأمين وهذا مذهب الخوارج أنهم يطعنون حتى في النبي صلى الله عليه وسلم Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ne vas-tu pas me faire confiance? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait confiance pour sa révélation. C'est quelque chose qui demande encore le plus haut niveau d'honnêteté, le plus haut niveau de fiabilité et le plus haut niveau de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait confiance pour ça. Alors comment toi ne pourrais-tu pas me faire confiance par rapport au créateur et à la distribution des butins? Hein? Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Al-Amin. Hein? Un de ses noms c'est ça, c'est Al-Amin, celui qui est fiable, celui qui est honnête, celui qui est juste. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait confiance pour sa révélation et il lui a fait confiance pour son message et sa mission, la transmission de son message. Donc il est Al-Amin. Et donc ça c'est la voie, hein? C'est la voie des Khawarij, qu'ils insultent et qu'ils attaquent même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas étonnant si ces gens-là attaquaient et accusaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui ils attaquent les ulama et qu'ils attaquent les tulab al-ilm, les ulama qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui clarifient pour les gens la sunna et le tawhid, hein, et qu'ils les déclarent kuffar ou munafiqin, hein, comme ils le font, comme ils le faisaient et comme ils le font aujourd'hui. Donc le cheikh il dit ensuite, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الرجل إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود لأقتلنهم قتل ثمود لأنهم طائفة تشق عصا الطاعة وتفرق جمع المسلمين وتكفر المسلمين وتستحل دماءهم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. الشيخ الزي سسودي يعني للبروفيت صلى الله عليه وسلم أزي lorsque cet homme ذو الخويسرة lorsqu'il est parti, il a dit à son sujet, il a dit, de cet homme va sortir des gens qui vont réciter le Coran, mais ça ne dépassera jamais leur gorge. Ils vont sortir de la religion comme la flèche quitte son arc. Et il a dit, je pense qu'il a dit que si je les aurais rencontrés, je les aurais combattus comme on a exterminé le peuple de Thamoud. Hein? Et il a dit pourquoi? Parce que ce sont des gens qui divisent l'autorité de la Umma et l'obéissance aux dirigeants, et qui divisent le corps des musulmans lorsqu'il est uni. Ils détruisent l'autorité et ils divisent les musulmans. Ils déclarent les musulmans kuffars et ils rendent le sang des musulmans halal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant que ce sont des gens qui combattent les gens de la foi et qui ne combattent pas les gens de l'idolâtrie, qui adorent les idoles. Hein? Ils laissent en paix les idolâtres, mais ils combattent les gens de la foi. Le cheikh il dit ensuite, فالخوارج على طول عهدهم وامتداد تاريخهم ما قاتلوا الكفار أبدا وإنما يقاتلون المسلمين كما حصل في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء بعده فإنهم يقاتلون المسلمين على امتداد التاريخ ولا يقاتلون الكفار مع المسلمين هذه صفتهم أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم ويشقون عصا الطاعة ويعصون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Le cheikh il dit que les Khawarij, à travers depuis qu'ils ont existé, à travers leur histoire, ils n'ont jamais combattu les kuffars. Ils n'ont jamais combattu les kuffars. Ils ne font que combattre les musulmans. comme on a vu cela apparaître à l'époque de Ali ibn Abi Talib, hein, et ceux qui sont venus après, hein, ils ont toujours combattu les musulmans, et ils combattent les musulmans donc à travers l'histoire de l'islam, et ils ne combattent jamais les koufars, hein, ils ne combattent jamais contre les koufars avec les musulmans. Donc ça c'est leur caractéristique. Ils déclarent les musulmans koufars, ils rendent le sang et les biens des musulmans halal, et ils combattent l'autorité du dirigeant, et ils désobéissent à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils désobéissent à la parole d'Allah azza wa jalla lorsque Allah dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. وإنهم يستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالذنوب التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر ويكفرون بهذه الذنوب من فعلها عندهم فهو كافر نسأل الله العافية وهذا نتيجة للجهل لأنهم عندهم عبادة وحماس ولكن ليس عندهم علم والجهل آفة والعبادة إذا لم تكن على علم فهي ضلال والاجتهاد إذا لم يكن على فقه فهو ضلال لا بد من العلم لا بد من الفقه ولهذا يقول ابن القيم فيهم ولهم نصوص قصروا فيه فهمها قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان فأتوا من التقصير في العرفان أي نعم. Donc le cheikh il dit qu'ils rendent le sang des musulmans halal et ils déclarent les musulmans koufars pour des péchés qu'ils commettent. Comme par exemple, si un musulman fait le zina, ils le déclarent kafir. Ou bien, s'il vole ou s'il boit de l'alcool, ils vont le déclarer kafir pour ces péchés-là. Alors, donc pour eux, ceux qui commettent ces péchés-là sont des koufars. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de ces gens-là, parce que ça c'est le résultat de leur ignorance. C'est le résultat de l'ignorance, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'adoration et qui ont beaucoup de qui sont des gens très motivés, très excités par rapport à, disons, que comme ils disent, de vouloir défendre l'islam, de vouloir défendre l'honneur des musulmans, mais ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de science. Et c'est ce que tu vois, par exemple, quand ces gens-là, ils font, par exemple, ils propagent des vidéos et ils les diffusent sur YouTube ou sur d'autres réseaux également, d'autres sites Internet. Et avant la venue de l'Internet, ils distribuaient des vidéos aussi de ce même genre, dans lesquelles on voit des koufars commettre des crimes contre des musulmans ou des choses de ce genre, et eux, ils diffusent ça pour élever et faire monter la colère des musulmans et les exciter ou les énerver. Et il montre ça en particulier à des jeunes qui n'ont pas nécessairement de connaissance de l'islam et de compréhension de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, des principes de la Sunna, et donc il les amène par la suite à faire des actes irréfléchis et à agir de façon incorrecte et contraire à la charia, en se basant sur les émotions et en se basant sur, justement, les sentiments, sans avoir aucune base, aucune compréhension de la science. Et le cheikh, il dit que l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est un poison, c'est une maladie. Et l'adoration, si elle n'est pas établie sur de la science, eh bien, c'est de l'égarement. Et le fait de vouloir essayer de faire un jugement dans la charia, si ce n'est pas basé sur de la compréhension, sur du fiqh, et bien dans ce cas-là, c'est de l'égarement. Donc il faut absolument de la science, et il faut absolument de la compréhension de la religion, et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit dans son livre An-Nuniyya, et ils ont des textes qu'ils ont compris incorrectement, ils ont des textes sur lesquels ils se basent, hein, dont leur compréhension a été déficiente et manquante à son sujet ou à leur sujet, et donc ils ont été pris par leur connaissance limitée de la religion, et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement à cause de leur manque de connaissance et de compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit: ويتركون المحكم ويستدلون بآيات وأحاديث متشابهة ولا يردونها إلى الآيات والأحاديث التي تفسرها وتبينها ولا يردون المتشابه إلى المحكم كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والواجب رد المتشابه إلى المحكم وتفسير النصوص بعضها ببعض وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والعمل بالناسخ وترك المنسوخ وهكذا كلام الله يفسر بعضه بعض يفسر بعضه بعضا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا أما من يأخذ بالمتشابه وترك المحكم فهذا زيغ فهذا زائغ نعم هذا زائغ كالخوارج نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, ils prennent les textes qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs interprétations et ils laissent de côté les textes qui sont explicites et clairs et qui n'ont qu'une seule compréhension et ils se basent sur des versets et des hadiths mutashabiha, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs interprétations et qui sont équivoques et ils ne ramènent pas ces versets et ces hadiths qui sont équivoques, ils ne les ramènent pas aux versets qui sont clairs et qui sont explicites pour essayer de les comprendre. Hein? Ils les interprètent et ils les comprennent à leur propre façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, dans surat Al-Imran, en ce qui concerne ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils suivent ce qui est équivoque du livre. Et ils cherchent par cela à faire de la fitna. Et ils cherchent par cela à essayer de l'interpréter. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour les savants et pour les musulmans? C'est de ramener les textes qui sont équivoques aux textes qui sont clairs et explicites. Et d'expliquer et de comprendre les textes les uns par les autres et les uns avec les autres. Et de prendre qu'est-ce qui est limité et qu'est-ce qui est restreint. De prendre qu'est-ce qui est absolu, hein, et de le ramener à qu'est-ce qui est restreint. Et de prendre qu'est-ce qui est général et de le ramener à qu'est-ce qui est spécifique. Et d'agir selon qu'est-ce qui est abrogeant et d'abandonner ce qui est abrogé. Et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que la parole d'Allah elle s'interprète elle-même. Il y a des versets qui sont expliqués par d'autres. Et la même chose pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui expliquent les autres hadiths. Hein? Il y a des paroles qui sont générales, qui sont expliquées par d'autres hadiths qui sont spécifiques, et ainsi de suite. Mais de prendre les versets qui sont équivoques, et de laisser de côté qu'est-ce qui est explicite et clair, ça c'est de la déviation. Hein? Et c'est de l'égarement, comme la voix des khawarij. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne, hein, et qu'il nous préserve de cet égarement-là. Il dit ensuite, والشاهد من قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء الذي في السماء هو الله عز وجل فوصف الله بأنه في السماء يعني في العلو هذا شاهد من الحديث هذا الشاهد من الحديث قوله يأتيني خبر السماء يعني الخبر الذي ينزل من الله في السماء يعني الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que lorsque le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne donc ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'allez-vous pas me faire confiance, ne vas-tu pas me faire confiance alors que celui qui est dans les cieux m'a fait confiance, celui qui est dans les cieux c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant fissama, c'est-à-dire dans les hauteurs, hein, au-dessus de nous, élevé, très haut. Et donc ça c'est le point qu'on voulait tirer de ce hadith, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya'tini khabaru sama » il me vient les informations du ciel, c'est-à-dire que les informations me descendent d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du ciel, c'est-à-dire qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans les cieux, ou au-dessus des cieux. Donc ça c'est le point qui est tiré de ce hadith. Après il mentionne d'autres hadiths également. Il dit وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم من إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. Et non. Donc, le cheikh il explique, il mentionne, donc le cheikh, ce cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ce hadith. Et non. Il mentionne le hadith de la ruqya. Le hadith de la ruqya, lorsque quelqu'un est malade, tu récites ça sur lui. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et d'autres également. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien plutôt, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô notre Seigneur, qui est dans les cieux. Donc c'est ça le point qui est attiré de ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ton nom est purifié, et ton commandement est dans les cieux et sur la terre, comme ta miséricorde et dans les cieux, mets ta miséricorde sur la terre, ou envoie ta miséricorde sur la terre, et pardonne-nous nos péchés et nos erreurs et nos fautes. Tu es le Seigneur des bons. Fais descendre sur nous, fais descendre ta miséricorde, ou fais descendre une miséricorde de ta miséricorde, et une guérison de ta guérison sur cette blessure ou sur ce malaise. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se plaint d'une douleur ou d'un malaise, ou qu'un de ses frères se plaint, eh bien qu'il dise notre Seigneur Allah qui est dans les cieux. Et il a mentionné le doua en question. Donc ça c'est une preuve, encore une fois, du fait que on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux et que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé et au-dessus de sa création. Le cheikh il explique ce point, cheikh Al-Fawzan, et il dit الرقية هي القراءة على المريض بشيء من القرآن أو من الأدعية الشرعية وهي سبب للشفاء بإذن الله وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي ورقته الملائكة فالرقية شرعية فالرقية شرعية إذا كانت من الكتاب والسنة وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله ومن جملة ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ربنا الله الذي في السماء وهذا محل الشاهد من الحديث حيث وصف ربه بأنه في السماء. Donc le cheikh il dit que الرقية c'est le fait de réciter quelque chose du Coran ou quelque chose des invocations de la charia, des invocations de la révélation sur yani, un malade. Et c'est une cause pour la guérison par la permission d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya sur les gens et il a lui aussi reçu la ruqya. Les anges lui ont fait la ruqya aussi. Et la ruqya shar'iyya, la ruqya elle est légale si elle est faite basée sur le Coran et sur la sunna. Et c'est une cause parmi les causes de la guérison par la permission d'Allah. Et parmi les éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé comme invocation pour faire la ruqya sur les gens, il y a ce qui est mentionné dans ce hadith que Cheikh al-Islam a mentionné. C'est le hadith dans lequel il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Notre Seigneur, celui qui est dans les cieux ». Et ça commence comme ça. Donc ça c'est qu'est-ce que le Cheikh a voulu citer comme preuve et qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme étant dans les cieux, hein, ou dans le ciel. Hein? Donc après le Cheikh dit « Wa amruka fis sama wal ard ». Il dit « Amma amrullah azza wa jal wa ilmuhu fa huwa fis sama'i wal ard wa fil ard ». نعم فأما أمر الله عز وجل وعلمه فهو في السماء والأرض أمرك في السماء والأرض. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est dans les cieux, tandis que son commandement et son ordre est dans les cieux et sur terre, hein? Le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa science est dans les cieux et sur terre. Donc c'est pas la même chose que de dire que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, dans plusieurs versets, hein, il mentionne qu'il est avec vous là où vous êtes, c'est dans le sens qu'il est avec nous par sa science, par sa vue, par son ouïe, hein, il voit tout, il entend tout et il sait tout. Hein. Tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Hein. Donc ça c'est important de comprendre ce point-là. Et il dit « Irfir lana hubana » ou « al-hub » ou « al-dhamb ». Donc « Irfir lana hubana » ou « hubana » c'est-à-dire « Pardonne notre péché ».« Anzil hadha dalil ala uluwillah li anna al-nuzul la yakunu illa min a'la fal hadithu fihi ithbat anna allaha fi s-sama wa annahu huwa al-lazi yunazil al-shifa » كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. C'est-à-dire que dans le hadith en question, dans le dua, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit fais descendre sur nous ta miséricorde et ta guérison. Donc le fait de faire descendre, c'est encore une autre preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, hein, et qu'il est élevé. Parce que la descente ne se fait que d'en haut. Et donc, dans ce hadith, il y a encore la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, qu'il est au-dessus de sa création, et que la guérison descend de lui. Hein, que c'est lui qui fait descendre sa guérison sur nous. Comme il le mentionne, également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, et qui est rapporté également par l'imam Ahmad et Ibn Hibban, et Al-Hakim aussi, où il dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait fait descendre pour celle-ci une guérison. Celui qui la connaît, et celui qui l'ignore, l'ignore. Donc ça c'est un autre exemple. Ensuite il dit parmi les preuves également wa qawluhu fi al-hadith al-hadith al-aw'al hadith al-aw'al. Il dit wal 'arshu fawqa hadha wallahu fawqa 'arshihi wa huwa ya'lamu ma antum 'alayhi wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghayruhuma. Donc il dit dans le hadith et le trône est au-dessus de cela et Allah est au-dessus du trône et il sait ce dans quoi vous êtes, ce sur quoi vous êtes. C'est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Dawud et d'autres également. Il est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Ya'la dans sa Musnad et Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Arsh, et Ibn Khuzayma dans Al-Tawhid, et Al-Bazzar dans sa Musnad, et Al-Darimi dans Al-Rad al-Jahmiyya, Et Al-Ajurri l'a mentionné dans son livre Al-Sharia, et l'imam Al-Lalaka'i aussi dans Usul al-Itiqad Ahl-Sunnah, et Abu Shaykh dans son livre Al-Azama, et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et ainsi de suite. Et ça fait partie des hadiths rapportés par Al-Abbas ibn Abdullah, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Et Cheikh al-Islam, il a dit, yani, dans la, dans le débat qu'il a fait à propos de Al-Wasitiyah, en répondant à ceux qui ont critiqué ce hadith-là, il a dit قد أخرجه الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه أي عبد الله ابن عميرة من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته انتهى كلامه انظر مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 192 donc le hadith c'est clair que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il le considère authentique par rapport au fait que l'imam Ibn Khuzaymah l'a mentionné dans son livre Al-Tawhid puisqu'il a exigé ou établi comme condition pour ce livre que le livre respecte les conditions de l'authenticité par rapport à ce qui est mis dedans. Et il répond donc par rapport à cette question-là. Donc ça c'est un point. Et Cheikh Al-Fawzan il dit donc حديث الأوعال ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد وهو حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما من المسافات العظيمة وأن السماوات السبع فوقها بعدها فوق بعض وأن فوق السماء بحر وأن فوق البحر الكرسي وقد وسع الكرسي السماوات والأرض وفوق الكرسي العرش وقد وسع المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات وأن الله فوق العرش وهذا محل الشاهد من الحديث أن فيه إثبات أن الله فوق العرش وفوق المخلوقات وبذلك يثبت العلو Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que ce hadith de Al-Aw'al il est rapporté par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab également dans Kitab, à la fin de Kitab al-Tawhid, le dernier chapitre, et c'est le hadith qui est rapporté selon Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith la création des cieux et de la terre et qu'est-ce qu'il y a comme étendue entre chaque cieux, les cieux, les sept cieux, ils sont un par-dessus l'autre, et par-dessus les cieux, il y a un océan, et par-dessus cet océan, il y a Al-Kursi, et il est plus grand que les cieux et la terre, et par-dessus le Kursi, il y a Al-Arsh, le trône, parce que le Kursi, c'est yani le pied en bas du trône, yani Al-Arsh, c'est le trône lui-même, il est au-dessus du Kursi, et il est plus grand que toutes les créations au complet. Et c'est la plus grande de toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, Et c'est ça le point qu'on a voulu tirer donc de ce hadith-là, c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus de ses créatures, et c'est ainsi que on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera, inshallah, la suite au prochain cours, inshallah. Donc, inshallah, on se retrouve pour la suite de ce cours. On se retrouve donc dimanche prochain, inshallah, pour la suite de ce cours. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, pour le mois de septembre, donc, on va mentionner l'horaire qu'on va suivre, inshallah, pour ce mois-ci. Je vais voir quand est-ce que ce sera possible de faire les cours. Probablement que ce sera uniquement possible de les faire pour moi en soir, de la soirée ici au Canada. Soit la soirée ou bien très très tôt le matin peut-être. Ce sera les seuls moments où je vais pouvoir faire des cours. Donc on va voir ce qu'on pourra faire, Inch'Allah. Toutefois, demain, il y aura le cours comme prévu. Demain, Inch'Allah, il y aura le cours comme prévu. Puis, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste du mois, Inch'Allah. Donc on s'arrête tout de suite, Inch'Allah, à ce point-là. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.